Alors à ce qui paraît t'es dans le peur, ils me prennent pour un égaré. N'a-t-il pas un dieu pour dire ou pas si je suis à mes carrés? L'histoire le prouve, les hommes ont l'habitude de faire fausse route. Suffit de leur connaître ou le diable a vite fait toi son casse-croûte. J'aime apprendre, je donne du respect aux profs. Les préjugés c'est quand t'as jacté avant de lire mes strophes. Moi juge personne, on manque juste de repères dans tout ce bazar. Des comas éthyliques, du banc touche au brassard. Alors mon frère baisse d'un ton, tu sois dans la prière ou dans la fume. C'est de rappel et de tolérance que je me parfume. Te fais pas de pile, ça va, on est pas non plus chez Paramount. Mais merde, je compte plus les morales qui tiennent pas la route. Tu me reproches ce que tu veux, mais j'ai pas le serment oubliable. Tous capables de te faire passer le quart d'heure inoubliable. Tout acte a ses conséquences, je l'ai capté à 4 ans. J'ai appris à lire l'heure, une tête de mort sur le cadran. J'écris ce que je crois et ce que j'ai cru. Au monde qui sacré, je sais plus, ici pas, y'a plus rien de sacré. Des amitiés perdues, des regards volés. C'est à travers nos rêves qu'on rêve de s'envoler. Fini les allers-retours, que des retours sur l'allée. Remballe ta morale quand le cerveau est décalé. Moi j'ai grandi avec la rage d'un tueur sensible. Comment rester insensible quand on est pris pour cible? Nous assimile pas une simulation. On attend de réponses, mais on nous pose pas les bonnes questions. On sait d'où on vient, où on va, qui on est. Nous aussi on rira de ceux qui nous rient. On est pilonné pour oublier ou se faire oublier. On cogite tous à comment prendre un bon billet. Familles nombreuses participent à l'économie, mais ils veulent qu'on se range comme autant des colonies. Pas d'SOS, y'a que des clous rouillés dans ma bouteille. Les mauvaises langues rôdent comme la BAC en Mégane 2 dans les rues de Créteil. Si j'avais su, je me serais pendu fœtus. Fuck les apparences, ceux qui font des falches puces. Un poche des bacs plus aussi. On fait la sauce pêche, ça se reconnaît à nos sons. Comme à l'ancienne, y'a pas que les jeunes qui ont besoin d'éducation. Tout casser est une option dans la solution. Le salut des salauds nous sera salutaire sous bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on a donné? Des pêcheurs tous autant qu'on est. Du moment que je sors de la baraque, une piste de la taronne tamponnée. Abonné à tout type de fréquentation. Ici les valeurs sont erronées, réironie de la situation. Personne n'est parfait, ce qui est déjà fait n'est pas à refaire. Les punchlines sont à nos frais, demande à tous nos frères. Les faux conseillers voudraient que je dorme mal. Critique en tornade, j'en fais une chanson mais j'encaisse normal. Normal. Dieu, rappel et tolérance. Dieu, pêche, Max. Dawa au Mike Ray.